Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus. Le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent. Le vent au loin, le bruissement des feuilles, le ululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours ou rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens. Profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de camp. Bonjour à tous. Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous parler d'un projet super chouette qui est en train de naître. Il s'agit de la web radio Allô la planète, qui reprend la mythique émission du même nom présentée par Éric Lange pendant des années sur France Inter. Stéphane, le créateur de cette web radio, souhaite lancer une libre antenne 100% voyage, un mélange d'anciennes émissions d'Allô la planète, de podcasts, dont Feu de camp évidemment, et de musique du monde. Une sorte de rendez-vous quotidien pour tous les voyageurs francophones de la planète. Il a créé un kiss-kiss bang-bang pour réunir les fonds pour créer son projet. N'hésitez pas à le soutenir si vous en avez l'envie, le lien sera en description. Mais revenons à Feu de camp. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir dans les régions glacées du Groenland en compagnie de Vanessa. Voyager dans des pays aux conditions climatiques aussi rudes n'est déjà pas quelque chose de facile, mais je la laisse vous expliquer pourquoi, pour elle, c'était bien plus qu'une aventure, mais un véritable défi. Bonne écoute à vous. Je m'appelle Vanessa, j'ai 46 ans, je suis infirmière et je suis alpiniste. Et j'ai eu un accident il y a quelques années en montagne et du coup depuis je suis paraplégique et j'habite à Chamonix. J'avais des parents qui étaient ouvriers et ma maman qui était technicienne de surface comme on dit maintenant. Du coup non, on voyageait une fois par an aux vacances scolaires quoi, mais c'est tout, on n'était pas... Voilà, c'est tout. Mais c'était déjà pas mal. Mais on allait en Espagne, en Bretagne, en France. Ouais. J'avais pas cette envie de voyager très jeune, en fait. Le rêve d'enfance, c'était plutôt d'être infirmière. Voilà. Voilà, ce que je suis devenue. Mais sinon, c'est tout. C'est plutôt une rencontre. En fait, j'ai eu un petit ami qui était à moitié indien. Et du coup, c'est avec lui que j'ai fait mon premier voyage en Inde de 5 semaines. Et puis, du coup, je crois que c'est ça qui m'a donné l'envie de voyager, en fait. Depuis, même avant mon accident, je rêvais de lumière du Nord, mais un peu comme ça, quoi. C'était un peu dans ma tête. J'avais pas un projet bien particulier. C'est une rencontre par hasard à Chamonix, en fait. Le propriétaire du bateau Atka, qui faisait donc cette expédition au Groenland, qui m'a proposé de partager son aventure avec lui. Lui, il veut montrer les beautés du Groenland pour donner envie de prendre soin de la planète. Il veut voir plutôt le côté positif et partager cette beauté pour qu'on ait envie de la protéger. Et il voulait faire ça avec des gens de tous les horizons. Donc il y avait des artistes, des gens qui n'ont pas la mobilité, ou il y avait des enfants à chacun son Everest. Enfin, il voulait partager ça avec plein de monde d'horizons différents. Et du coup, il m'a proposé comme ça dans une rue à Cham, et j'ai dit oui. Voilà, c'est tout. Et puis après, on prend les billets d'avion, et puis voilà. Hein. Après, je prépare, mais ça, j'ai l'habitude. J'avais déjà fait plusieurs voyages en étant en fauteuil auparavant, donc je sais comment un peu préparer une expédition, entre guillemets, quoi. Déjà, prendre les billets avec assistance. Déjà, ça, voilà. Prier pour que l'avion ne nous rejette pas, parce que ça arrive. Et ça s'est bien passé. Et puis sinon après, comme il y avait le froid, j'ai dû prévoir, Enfin, je prévois d'avoir beaucoup plus de couches que les autres, enfin, en tout cas des vêtements beaucoup plus chauds que les autres, quoi. Donc, pensez à tout ça. On partait à trois filles, en fait, que je connais bien, ma meilleure amie, Marcel et Loïs, qui faisaient le film, et avec qui j'étais déjà partie en vacances. Donc, bon, bah, je suis pas stressée. S'il se passe quelque chose, il y a des amis, quoi. C'est pas. Non, non, et puis en plus, j'étais fatiguée. Donc, juste le truc, c'était de pouvoir faire ça en utilisant le moins d'énergie possible, le voyage. Parce que je sais que le voyage, ça me fatigue en fait, de rester assis sans bouger dans les avions, ça c'est fatigant en fait. Pour aller au Groenland, nous on est allé à Ulilisak, c'est un site classé UNESCO où il y a les plus gros icebergs du monde. On arrive à l'aéroport international du Groenland, donc jusque-là ça va. Parce qu'il y a beaucoup de vent au pôle Nord. Et du coup, donc jusque-là, ça va aller. En général, les avions décollent à l'heure, mais c'est pas sûr. Mais là, on a eu de la chance ce jour-là. Mais par contre, après, pour aller donc de Kangerlussat à Ilulissat, là, c'est des petits avions. Et donc, ils sont beaucoup plus sensibles au vent. Donc là, déjà, c'est un peu plus. Enfin, il se peut que à la minute, on arrête les avions et puis c'est fini, quoi. Donc, il faut attendre une journée ou. Puis là, ça s'est bien passé, donc on était content d'arriver déjà. Puis quand on est arrivé, ben déjà survoler le Groenland, c'est magnifique quoi, de voir cette blancheur. Enfin c'est un paysage où on n'imagine pas, ça n'a rien à voir avec les Alpes, ça n'a rien à voir avec un glacier. Enfin c'est un truc qu'on n'imagine pas en fait. Ben, c'est trop beau quoi. Puis quand on arrive à Ulilisat, bah là après c'est les trucs du voyage quoi, faut attendre la navette, machin. C'est une ville qui a 400 000 habitants. Le Groenland, il y en a 55 000, surtout le Groenland. Donc c'est une grosse ville du Groenland, parce qu'en général c'est des petits villages de 20-25. On avait prévu un hôtel avec quelques étoiles pour que je puisse me reposer avant d'aller faire les nuits en bateau et de passer. Dans un logement un peu plus précaire, dans un village de 25 personnes, justement. Donc là, je me suis posée. Moi, je me suis posée, puis mes amis, elles se sont baladées 3-4 jours sur la banquise, en fait, là-bas. Après, j'ai gardé l'énergie pour en profiter là-bas, en fait. J'étais en mode veille. Sinon, l'impression aussi que donne la ville d'Ilulissat, c'est un peu étrange, en fait, comme. Enfin, ça respire pas le bonheur, c'est quand même difficile comme vie. On a l'impression qu'ils sont pris un peu entre deux cultures. Tous les jeunes sont. Ben, ils sont obèses en fait. Ils ont de la nourriture occidentale dans les supermarchés. Et du coup, enfin, les jeunes, ils cumulent la nourriture traditionnelle, plus les trucs occidentaux. Du coup, ils sont tous. Enfin, la plupart, ils étaient obèses, quoi. C'est étrange, quoi. Comme ambiance. Alors ça c'est autre chose, mais quand je parle des supermarchés, en fait ils sont complètement tributaires des conditions de la mer. Parce que ben, y a du vent, la mauvaise mer, machin, donc parfois les livraisons, ben, elles n'arrivent pas en temps en heure, donc faut savoir faire un gâteau sans œuf. Enfin, bon là c'est la blague, mais il y a plein de choses comme ça, il faut savoir composer quoi. Leur devise c'est, eux ils vivent vraiment au jour le jour en fait. Parce qu'il n'y a pas que les livraisons de bateaux, mais tout, quoi. On ne sait jamais comment ça va se passer, la météo, enfin, le vent, la neige ou quoi que ce soit. Du coup, le Groenlandais, il vit vraiment, mais vraiment au jour le jour, quoi. Il prévoit pas le lendemain, quoi. Parce qu'il peut toujours se passer un truc, donc bah, comme ça, on stresse moins. Enfin, de toute façon, ils sont obligés, quoi. C'est comme ça. C'est vraiment ça, ils sont paisibles. On devait rejoindre le village Okatsuk, qui est le village de 25 personnes, où le bateau Atka était en hivernage. Alors, il n'était pas en hivernage au niveau du village, il était dans une baissole. L'idée, c'était de rejoindre le village Okatsuk, de skier en ski de fond avec ma luge, jusqu'au bateau, et de passer quelques nuits dans le bateau, en fait, parce qu'il était en hivernage, il ne bougeait pas le bateau. D'abord, de Ilulissat, il fallait prendre un bateau de pêcheur. Et donc là, c'était un peu. C'était un peu à la Walegen là, parce que les Groenlandais, ben, ils ont pas la même sensibilité. C'est des gens très enfin, rustiques, quoi. Donc les gens en fauteuil, ils appréhendent pas trop ça. Paf, paf, le bateau, il allait super vite. Enfin, du coup, c'était un peu... je me suis dit, si ça commence comme ça... Donc là, c'était un peu stressé. Et, mais après, ça s'est bien passé. Mais voilà, c'était l'entrée en matière. Donc d'ailleurs, le retour, on l'a fait très lentement. J'ai demandé pas question. Et puis donc, on est arrivé au Quai de Sucre. Là, il y avait un petit hôtel où on a logé encore quelques jours. De là, j'ai fait des balades en ski de fond sur la banquise et dans le village aussi. J'ai une luge en carbone qui est moulée en fait sur moi. Et puis bah, j'ai deux skis de fond qui sont accrochés dessus et je pousse. Donc déjà, ça c'est... Il y a toutes les maisons, le village de 25 personnes, c'est assez impressionnant. Enfin, on est seul, quoi. Ce qui est impressionnant au Groenland, c'est le silence et l'immensité, en fait. Et ouais, le silence, c'est même si on fait rien, enfin, on s'imprègne de l'étrangeté des lieux, quoi. Oui, et puis c'est beau, quoi. La transition au iceberg, c'est super bleu. Puis de se balader entre les icebergs, c'est magique. Là, dans le village où on était de 25 personnes, il y a beaucoup de maisons en fait, où il n'y a personne. Parce qu'il y a pas mal d'étrangers qui achètent ces maisons, en fait. Ils adorent venir au Groenland. Et du coup, donc, le village, les maisons sont en couleur. Alors au départ, l'idée, c'était... une couleur pour la poste, une couleur pour le poste de secours. Et du coup, c'est pas mal parce que ça met de la vie sur la banquise, enfin, sur la neige, en fait, c'est une bonne idée. Même pour les Groenlandais, vivre au Groenland, le fait qu'il y ait peu de lumière l'hiver et que ce soit bah, qu'il y ait pas de nuit l'été, en fait, même pour eux, c'est difficile de vivre ça, en fait. Ils doivent quand même gérer, c'est pas parce qu'ils sont de là-bas qu'ils passent ça nickel, en fait. Et puis du coup, sinon, là, on est en hiver, donc, enfin, en fin d'hiver. Et du coup, on voit personne dans... Il n'y a personne, en fait, dans le village, parce que les gens, ils se rencontrent dans les maisons. En fait, on se dit, mais ils sortent jamais. Bah oui, il fait froid, donc ils restent dans leur maison, quoi. Il faut se rencontrer. Et c'est pas du tout... Bon, on l'a pas su tout de suite, mais en fait, enfin, on peut aller chez eux, frapper, et c'est normal, quoi. Puis ils se rencontrent souvent autour du café. Ils prennent le café... Enfin, chez l'un chez l'autre, ça s'appelle le café mic, ils mangent des gâteaux et ils boivent le café. Et puis aussi, ce qu'on n'imagine pas, c'est l'eau douce en fait. Ils n'ont pas l'eau courante en fait. Il fallait prendre de l'eau de la mer, la traiter pour avoir de l'eau douce quoi. Donc ça, c'est du boulot, ils doivent transvaser ça dans leur tonneau. Enfin, donc déjà, ça, c'est pas mal comme travail. Il n'y a pas beaucoup de légumes en fait, évidemment, ils ne peuvent pas en faire pousser. Donc du coup, quand ils pêchent un phoque, ben, ils se le mangent, ils se le partagent dans tout le village en fait. Mais ça, ils se le vendent pas, ils vivent dessus ensemble quoi. Après, les pêcheurs en gardent pour en vendre après, mais là, pendant l'hiver, ils le partagent entre eux en fait. Donc dans le village de 25 personnes, il y a une école qui fait aussi, elle fait tout l'école. Elle fait salle des fêtes, salle de jeu, église. Il y a une institutrice pour là, à l'époque, il y avait 5 élèves, mais qui vont du coup de toutes les. Enfin, il y a toutes les classes d'âge, c'est jusqu'à 12 ans, 12, 13 ans. Très vite, ils doivent aller, s'ils veulent faire des études, à Nuuk, en fait, qui est la capitale. Et donc, très vite, ils sont en internat, en fait. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis après, s'ils veulent faire des plus hautes études, ils doivent aller au Danemark. Du coup, l'institutrice, elle nous avait cuisiné du phoque. Eh ben, ça cale le phoque. C'est gras. En plus, il était frit. Donc du coup le phoque frit, eh ben on n'en mange pas beaucoup. C'est un peu le goût du foie de veau en fait. Donc c'est pas déplaisant, mais c'est costaud. Et elle nous avait fait aussi une soupe de poisson au gingembre en entrée. Bon là l'institutrice, elle avait l'habitude quand même d'avoir des contacts avec les étrangers qui venaient. Et puis elle avait envie de partager sa culture et tout ça. Donc avec elle c'était assez facile. Elle était très, très humaine, enfin, chaque geste qu'elle faisait, elle savait ce qu'elle faisait. Enfin, c'était des moments de vrai partage, quoi. Elle était très humaine. À la fin d'ailleurs, elle m'a fait porter son costume traditionnel. C'est un costume en peau de phoque qu'ils cousent eux-mêmes en fait. Et donc du coup, c'est le costume de la confirmation. Et ça, c'est le truc traditionnel, ils passent tout l'hiver parce que comme il faut s'occuper l'hiver. Du coup, il passe tout l'hiver à coudre ce costume en peau de phoque pour chaque enfant qui va faire sa confirmation. Et puis, c'est brodé avec des petits trucs en plastique. Enfin, ils font plein de dessins dessus. C'est assez. Du coup, elle a absolument voulu me faire essayer son costume. J'avais peur de le craquer, là. C'est très chaud, la peau de phoque. Nous, ça a été parce que on n'avait pas particulièrement froid, en fait. Il a fait jusqu'à moins 15. Il pleuvait même les derniers jours quand on est parti, il pleuvait. Sinon, moi j'ai essayé du coup un pantalon en peau d'ours et c'est ce qu'ils utilisent hein, en fait. Et avec ça, on craint pas trop le froid quoi. Et du coup, donc on est resté quelques jours dans l'hôtel dans le village. Et puis après, ben, il y a l'équipe du bateau qui nous a rejoints. Et du coup, après, on est parti en luge jusqu'au bateau en fait. On avait quand même pas mal de bagages. Enfin, même si on n'y restait que 2 jours, on avait, enfin, il y a des choses pour moi qu'il faut prévoir. On avait aussi de la bouffe à préparer, enfin des lioffs. Où ça faisait quand même des bagages. Ils avaient un gros traîneau sur lequel ils ont mis tous les bagages. C'est un traîneau qu'ils avaient fait eux-mêmes. En fait, chaque Groenlandais fait son traîneau lui-même. Donc, ça faisait 6 mois qu'ils étaient là, donc ils avaient fait leur traîneau. Nous, on a commencé à skier. Alors moi j'arrivais à plus ou moins me débrouiller en fait sur la banquise. Marcel elle m'a fait de temps en temps des traces, mais sinon ça glissait pas mal. On devait repasser sur la terre où il y avait du coup une différence d'1 mètre à passer, mais bon ça a été un peu olé olé, mais ça l'a bien fait là parce qu'on était quand même pas mal à. Enfin ils étaient quand même pas mal pour m'aider. Peut-être je vais boire un verre au village moi. T'inquiète pas, on l'a fait plusieurs fois. Ben toi, là, on arrive et il faut qu'on monte là avec Vanessa. Donc il faut qu'on s'organise un petit peu. Mais là, il y a du monde, il y a des bras, il n'y a pas de souci. On va mettre Marcel et Claire au-dessus pour tirer. Nous, avec Baptiste, Paul, on va la soulever là. Tous les trois, on va mettre l'avant des skis et on va la pousser comme ça. Ça va aller. Ça doit aller pas trop mal. Donc voilà, puis après une fois qu'on est là, après c'est bon, c'est plat. Ce qui était un peu bizarre la première fois qu'on fait le voyage, c'est qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Eux, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu skier, ils ne savent pas du tout ce que ça va faire. Donc on ne savait pas du tout combien de temps on allait mettre. Et puis du coup, enfin, on ne sait pas quoi. Donc il y a de l'inconnu. Parce qu'après, j'ai refait les trajets et bah, ça allait beaucoup plus vite. Enfin, il y a moins d'inconnus. On est plus. Et puis il y a plus cet inconnu dans la tête, ça va beaucoup plus vite en fait. Du coup, quand on a vu le bateau Atka arriver tout à l'horizon, ben, c'était c'était magique quoi, puisque ça faisait des mois qu'on y pensait et tout ça. Du coup, c'était super d'arriver là quoi, au Groenland, enfin au milieu de nulle part, d'avoir ce bateau. Et puis. Donc c'était magique. Puis du coup après ben on a réussi à monter dans le bateau, puis on a passé la nuit sur le bateau. Donc c'est tout petit. On arrive à faire quand même pas mal la cuisine. Les cabines elles sont toutes petites, mais je suis arrivée quand même à bon ça va, j'ai réussi à m'enfiler dedans quoi. Puis du coup on a passé une bonne soirée avec les marins là, qui nous ont raconté tout leurs histoires, parce que bon ils avaient dû amener le bateau là-bas parce que l'hivernage à bateau en fait quand il commence à se faire pendant la glace c'est assez faut qu'il soit plus ou moins de niveau quoi, sinon après les pressions sur la coque ça peut être même si c'est un bateau en alu, c'est un bateau qui est fait pour les conditions extrêmes, mais il faut quand même, enfin il peut se passer des choses quoi. Donc, ils nous ont raconté tout ça et puis bah ça fait des bonnes soirées. Et puis après on avait prévu de passer aussi une nuit dans un tipi, donc pas très loin du bateau. Mais c'était Ben qui est un aventurier. Enfin lui, il peut pas vivre en ville aujourd'hui, c'est pas possible. Et du coup, il voulait absolument me faire dormir dans le tipi. Donc on a fait quelques. Bon, c'était pas très loin du bateau, mais c'était histoire de dormir sur la banquise quoi. C'est assez impressionnant en fait de se dire ce que c'est que la banquise quoi. C'est c'est juste une couche de glace quoi en fait et ça tient. Il y a combien de glaces là? Il y a 40. 40 à peu près. 40. Il y a eu environ 60, 80 pendant l'hiver. Et là, c'est à la cassure là. J'ai regardé l'autre jour, ouais. Ouais, il y a ça, je pense. Moi, ouais, ça fait pas ça. En fait, les Russes, ils posent, quand ils se posent sur la banquise, avec un Antonov 74, donc c'est un bien-réacteur, toi, c'est gros, ouais, zing. Hein. Il faut qu'ils se posent quand il y a 80 cm de glace, pour être tranquille. C'est hyper costaud, toi. Ouais, parce que c'est pas énorme, 80. Mm. Bah non. Non, 80, toi, mais ils posent des avions dessus. Donc, pour te dire la solidité, ouais, de la glace, toi. Et du coup, on a passé la nuit sous le tipi. Il avait fait venir un poêle à pétrole du bateau. Mais bon, ça va, on n'a pas eu trop froid, en fait. Moi, on avait des gros duvets à moins 40. Et puis, une fois que... Bon, auparavant, j'avais déjà bivouaqué en montagne. Donc, bon, on a un peu froid quand on est hors du duvet. Mais une fois qu'on est... Enfin, quand on connaît le truc, quand on est dans le duvet, ça va, quoi. T'es prête, Vanessa? Ouais, allez. Allez, un, deux, trois. J'ai les chaussons en duvet, là, pour passer la nuit. Pour éviter de me refroidir. Il faut que je garde la chaleur, sinon... Ben alors, je me posais la question, tu sens quand t'as froid aux pieds ou pas? Non. Donc, ah ouais. J'ai jamais eu de soucis. D'accord. Et là, quand tu dis que t'as froid aux jambes, tu... C'est une impression, et si j'ai cette impression-là, c'est que je sais que j'ai froid aux jambes. D'accord. Ouais. D'accord. Et le problème, c'est que ça fait beaucoup de pourcentage où je sens pas, en fait. Donc quand je commence à sentir, c'est que, ouais, après, il faut du temps pour réchauffer. Ouais. Moi, quand t'as je suis allé au pôle sud, bien. Tout ça, j'en avais 100 grammes par jour. Après le tipi, j'ai repris ma luge et on est reparti au village, en fait. Et puis on est encore resté quelques jours au village à faire des balades, des grandes balades en ski de fond dans le village, en fait. J'ai rencontré, du coup il était français, qui au départ était un best jumper. Il s'est retrouvé par hasard au Groenland et il est tombé amoureux de ce pays. Il est devenu pêcheur et musher au Groenland et puis il a trouvé sa femme et il a 3 enfants et il vit là-bas. Ils vont pêcher en traîneau avec un Groenlandais, là c'était son équipier. Ils vont à un endroit où il y a beaucoup de poissons. Ils s'arrêtent à cet endroit, ils pêchent, et puis ils rentrent jusqu'à ce qu'ils remplissent le traîneau, et puis ils reviennent. C'est aussi un outil de travail, en fait, le traîneau. Et c'est comme ça que, traditionnellement, les Groenlandais pêchaient. Et maintenant, il y en a de plus en plus qui ont des skidous, en fait. Pour le village, il y avait environ 5000 chiens. Bon, avant, il y en avait beaucoup plus. C'était un des problèmes du village et d'autres villages dans le Groenland, c'est les maladies, en fait, qui tuent les chiens. Donc tout autour du village, il y a les niches avec les chiens. Et c'est assez impressionnant, le traîneau. En fait, on s'imaginait un truc pépère, et c'est pas du tout pépère. ça envoie vraiment du steak, hein. C'est hyper dynamique. Ça passe sur les rochers, enfin ça passe partout, quoi. Ça valait la peine de le faire, quoi. C'est pas juste un truc à touristes à faire le tour de chien, quoi. C'est vraiment un truc... On sent mieux l'âme du Groenland quand on emprunte le traîneau à chien, en fait. Parce que c'est pas... Enfin, c'est du travail, quoi. C'est... mener les chiens, là, c'est... ouais, c'est du travail. Et puis, ils sont faits pour... Ils ont besoin de tirer, quoi, de bouger. Puis, ils s'attaquent, là. C'est... Non, mais c'était vraiment une belle expérience. Sur le traîneau, là, par contre, ça, c'était pas le meilleur moment du voyage. Enfin, surtout pour... Bon, à moi, a posteriori, mais surtout pour Marcel, qui a eu super peur. Le traîneau, ça passe partout. Et il voulait absolument aller nous faire voir the point de vue. Du coup, on est passé sur des cailloux. Et puis, du coup, là, on s'est explosé, en fait. J'ai été éjectée du traîneau. On était un peu sonnés. On est remonté, mais Marcel a été stressé tout le reste de la balade. Et puis, du coup, le dernier jour, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais le dernier jour, j'avais le pied tout bleu. Je me suis demandé ce qui se passait. Je sens rien, quoi. Donc, voilà. Donc, ça c'était un peu... Je me demandais un peu ce qui se passait. Quand on est arrivé, on a pris la navette pour prendre notre avion. Et en fait, là, ça n'a pas été très cool, le retour, en fait, parce que notre vol était retardé. Il a été retardé de, je ne sais plus, 12 heures. Il y avait un petit hôtel dans l'aéroport, mais il n'y avait pas de chambre accessible. Donc du coup, j'ai dû me taper les 12 heures d'attente dans l'aéroport. Il fallait que je fasse attention à ne pas avoir point de compression pour pas avoir d'escarre. Donc il fallait que je veille à me tourner, machin. Donc ça, c'était pénible. Du coup, on a pris le vol de nuit. À part le moment en traîneau, un des moments le plus périlleux du voyage, en fait, ça a été de monter les marches pour arriver à l'avion, en fait. Mais ils sont super gentils, prévenants et tout ça, mais bah, ils ont pas, évidemment, ils n'ont pas l'habitude de gérer des gens en fauteuil. Enfin, c'est sûr, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il n'y en avait pas beaucoup en fauteuil. Et donc, du coup, les gens qui m'aidaient à remonter cet escalier-là étaient en tongs. Donc, je disais, mais alors, voilà, super. Enfin, je me voyais tomber à chaque marche qui montait. C'était l'horreur, en fait. Et j'ai eu peur encore plus à posteriori parce qu'il y avait un Danois qui travaillait au Groenland et qui avait plus de jambes. Donc, qui était en fauteuil, mais qui était assez autonome, quoi. Et lui, quand ils lui ont proposé l'aide, il a dit non, non. Puis il a monté tout l'escalier tout seul, en fait, en s'asseyant à chaque marche. Et j'ai compris pourquoi il faisait ça, en fait. Donc voilà, le retour était un peu fatigant. Du coup, j'étais contente que ce transport se termine et que je puisse me reposer chez moi et m'occuper de mon pied, du coup, qui était cassé. Voilà. Même si je marche pas, il faut quand même qu'il soit... que je puisse l'utiliser. Donc du coup, j'ai dû être plâtrée et tout ça, donc... Voilà, je me suis souvenue du Groenland pendant un moment. Ce que je retiens de ce voyage, c'est d'abord les rencontres avec l'institutrice, avec Julien, avec d'autres Groenlandais, l'immensité du paysage, le calme, la bizarrerie des paysages, les icebergs aussi, enfin la formation des icebergs, parce que les icebergs qui venaient du glacier, qui se découpaient du glacier, on les voyait passer, c'est vraiment en fonction du vent. Enfin, parfois c'est des tout petits, parfois c'est des beaucoup plus gros. Enfin, ça c'est la diversité des icebergs. Ça c'est on n'y pensait même pas, en fait. On a fait un voyage en bateau, une balade plutôt de quelques heures en bateau de pêcheur au travers des icebergs. Et ça c'était fabuleux, quoi, de voyager entre les icebergs, les couleurs. Les petits glaçons dans l'eau. Du coup, les premiers oiseaux arrivés, il y avait le premier bébé phoque qu'on a vu. Du coup, ça, c'était... Oui, c'était marquant aussi, ça. Et puis, c'est la façon dont ils vivent, là. Dans les petits villages, faut pas s'ennuyer, hein. Et puis, j'ai oublié de parler de l'aurore boréale, aussi. On a eu droit à l'aurore boréale. Mais bon, c'était le premier soir, donc y avait quelqu'un de l'équipage qui nous avait prévenu vers quelle heure et tout ça, donc on y a eu droit le premier soir, après on n'en a plus revu. Et puis aussi il y avait le fait de partager ça avec Marcel, qui est ma meilleure amie, avec qui je fais plein de choses, parce que Héloïse, elle a plus l'habitude de faire des voyages comme ça, tandis que Marcel, elle est accompagnatrice en moyenne montagne. Et c'est quelqu'un qui a toujours envie de bouger et tout ça, et du coup de se retrouver au Groenland où... elle m'aidait tout ça à faire du ski de fond, mais du coup, comme activité physique, c'était très tranquille pour elle. Ça l'a marqué parce que ça l'a vraiment permis de souffler, en fait, et parce qu'elle a eu des moments difficiles dans sa vie, et ça lui a permis vraiment de souffler le Groenland, quoi. Parce que même si on fait rien, on se remplit du paysage. C'était un beau moment de partager ça avec elle aussi. Oui, voyager, c'est important, mais le voyage n'est pas spécialement ailleurs, quoi. J'habitais à Lille, il peut très bien se passer quand on va dans un quartier pauvre et tout de suite, on change d'horizon, quoi. Je crois que le voyage, c'est surtout un état d'esprit, en fait, d'avoir un esprit ouvert. C'est sûr que le plus facile, c'est d'aller ailleurs. Quand on est jeune, quand on a des choses à découvrir, et c'est magique, quoi. De moi, quand je suis allée en Inde à 20 ans, c'est époustouflant, on se retrouve dans une autre culture, c'est sûr que c'est le moyen le plus radical de se mettre en contact avec des expériences autres, avec l'autre. Et encore, c'est pas aussi évident que ça, parce que c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on va être au contact de l'autre, en fait. Si on se cantonne au chemin, même touriste, même du routard, on reste dans les clous, quoi. Il faut un peu sortir des sentiers battus, quoi. Et sortir des sentiers battus, c'est pas grand-chose, mais je me souviens, j'étais allée aussi au Népal toute seule. Donc là, déjà, on rencontre un peu plus les gens. Et juste être à Katmandou, aller un peu ailleurs que Temel, là où il y a tous les Occidentaux, où il y a plein de bonnes choses à manger et tout, plein de trucs à acheter. Si on sort juste de Temel, on va dans un quartier où, voilà, eh ben, on mange des trucs super. Les gens, ils sont tout étonnés qu'on vienne leur demander d'acheter des choses à manger. Et on les paye le prix normal et puis c'est magique. Et même si on n'échange pas en parole, on peut vivre des moments forts, quoi. Mais je crois que le voyage, c'est un état d'esprit, en fait. Je me souviens, quand je parlais de Lille tout à l'heure, c'est juste, j'étais dans un... Je travaillais à l'hôpital, puis un après-midi, je suis à Lille, dans un quartier un peu plus pauvre. Et ben c'est de voir quelqu'un d'illettré qui te donne son code de carte bleue pour que tu l'aides à retirer de l'argent au distributeur, quoi. Où là, tu dis, bah voilà, t'as voyagé, quoi. En fait, le voyage, c'est ouvrir les yeux. Mais c'est sûr que c'est bien de voyager. Mais c'est... Ça ouvre pas forcément ton esprit. Enfin, c'est pas que ça, quoi, qui te permet d'ouvrir ton esprit. C'est plus loin. Faut aller un peu plus loin. Parce que on a fait le Vietnam, on a fait déjà ça, c'est un truc qui m'horribile quand on me dit on a fait ça. Enfin non, c'est de la consommation aussi ça. On s'en rend pas forcément compte. Hein. Mais c'est vrai que le voyage, ça m'a. Enfin, j'ai aimé tout ce que. Enfin, ça m'a apporté des choses, mais. Mais c'est surtout l'autre en fait qui t'apporte des choses. Je crois. Le partage avec l'autre. Donc les deux semaines là, puis avec Vanessa ici, ça donne tout son sens au projet en fait. Vraiment. Parce que moi je trouve que c'est important de donner du temps, de l'énergie à des gens qui n'ont pas eu toujours de la chance, on va dire. Voilà. C'est ça. Merci. Hein. C'est ça. Merci à Vanessa d'avoir pris le temps et surtout l'énergie de partager son périple avec nous. Comme d'habitude dans Feu de camp, place à ses conseils culture. Vanessa vous recommande le film Brésil de Terry Gilliam. Si vous avez apprécié 1984 de George Orwell, vous apprécierez probablement ce film culte qui raconte l'histoire de Sam Lowry qui vit dans une mégapole à la fois d'hier, beaucoup d'aujourd'hui et tout à fait de demain. Son existence guidée et tranquille se retrouve bouleversée quand il part à la recherche de cette belle femme qui hante ses rêves chaque nuit. Un très bel essai de dystopie à découvrir rapidement. Vanessa vous propose ensuite la lecture d'Albert Camus et notamment de son essai « Le mythe de Sisyphe » publié en 1942. Il fait partie du cycle de l'absurde qui regroupe également L'étranger et deux pièces de théâtre, Caligula et Le malentendu. Camus souhaite donner sa réponse à une question qu'il considère comme le seul problème philosophique vraiment sérieux. Est-ce que la réalisation de l'existence du non-sens et de l'absurdité de la vie entraîne nécessairement le suicide? Enfin, Vanessa nous fait découvrir le livre d'Edouard de Cône, Comment pensent les forêts? Après 4 ans de recherche auprès des runas du haut Amazon équatorien, l'auteur explore la manière dont ces peuples amazoniens vivent avec la faune et la flore qui habitent cet écosystème si unique qu'est la forêt amazonienne. Un travail anthropologique remarquable qui entraîne cette science sur des chemins nouveaux et peut-être aussi sur une nouvelle manière de penser le monde. Encore merci à Vanessa d'avoir partagé son expérience et ses coups de cœur dans Feu de camp. Cet épisode est terminé, mais avant de conclure, sachez que Vanessa a une association, Vanessa en Move, ainsi qu'un blog où vous pourrez découvrir un peu plus ses projets de voyage et les différents documentaires qui y sont liés. Vous pourrez par exemple y retrouver Partages Arctiques, le film sur son voyage au Groenland, pour mettre des images sur les paysages magnifiques qu'elle vous a décrits. Le lien sera dans la description. Cet épisode de Feu de camp est maintenant terminé. À bientôt pour un nouveau Feu de camp.